Nous atteignons 30 épisodes cette saison et à mes côtés, pour bien mener ce 30e épisode, bien sûr, j'ai Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent. Et depuis plusieurs semaines, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir à nos côtés Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent, bonjour Benoît. J'espère que ça va durer plus que quelques semaines. Bonjour Sylvain. Bah, nous aussi. Hein, en tout cas, j'ai mon siège déjà. Et le site internet aussi. Hein. Et là, je regarde mon portable et je n'ai toujours pas d'alerte Benjamin. Hein, j'attends avec impatience mon alerte et voir quelle teneur aura cette alerte aujourd'hui. Alors, pour ce nouveau numéro des Destinations Séries, comme chaque semaine, vous aurez bien sûr Secrètement Vôtre, le Rétroviseur 2.0, le Manon Série Quiz et on va très bientôt ouvrir le nouvel cette actu. Mais avant, je laisse la parole à Benoît qui, la semaine dernière, avait voulu nous proposer le nouveau générique du nouveau feuilleton quotidien de TF1. Et comme la semaine dernière, on était en avance, on n'a pas pu le diffuser. Donc là, Benoît, je te laisse la primeur du lancement de ce nouveau générique qu'on entend depuis... Depuis une quinzaine de jours, trois semaines sur TF1, ça s'est accéléré cette semaine. Vous ne pouvez pas avoir entendu cette chanson, ce générique, si vous ne regardez pas ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure par jour TF1. Ce n'est pas possible d'être passé à côté. La série a commencé, trois épisodes sont disponibles depuis ce matin sur Netflix. Et notre envoyé spécial à Liège a déjà regardé le premier épisode. Et alors ? Elle nous a dit que c'était plutôt sympathique, l'intrigue est plutôt pas mal. On a l'impression de retrouver l'ambiance de Glee. Et même, elle s'est replongée dans son enfance à l'époque où elle était fan de Violetta. C'est pas tout jeune, hein. Mmh. Elle était bien petite. Par contre, elle a une remarque à faire. Eh bien qu'au niveau des acteurs, c'est pas terrible, le jeu n'est pas terrible, même si le scénario est sympa, il y aurait pu faire un peu mieux pour les acteurs. Ouais. Alors au niveau du curseur, alors Sylvain a regardé quelques secondes, au niveau des acteurs, est-ce que au niveau, si on devait faire un crantage, est-ce qu'on est quand même au-dessus de Jean-Luc Reichmann? Oui, hein, juste un peu en dessous. De Jean-Luc Reichmann? Bah, Jean-Luc Reichmann est quand même installé, on peut pas dire que c'est un mauvais. Oh la vache! Non, bah, c'est pas non, des habitudes. Il y a un capital sympathie, les acteurs, malheureusement, non, sont pas. J'ai pas tenu plus d'une minute ou deux, j'ai zappé, quoi. Ah bah, disons, une minute ou deux, là, oui, non, t'as à peine le temps de. On parle y a pas d'une série Netflix aussi. Je sais pas, j'ai pas accroché. Je leur donnerai une chance au produit. Alors, ça veut dire que Les Mystères de l'Amour pourraient être sur Netflix? Ah là, non. C'est une idée, ouais. C'est pas le même genre. Ouais, mais alors, au niveau du jeu. Bah, je sais pas, j'ai pas vu, moi. Mais bon, la bande-annonce me donne plutôt envie. Elle est plutôt tonique et le jeu d'acteur m'a pas apparu si nul que ça dans la bande-annonce. Après, effectivement, quand on les laisse parler plus de 3 minutes, peut-être c'est peut-être un peu gênant. Bon, après. C'est qu'un avis, hein. Je n'ai pas la science infuse. En tout cas, tu n'as pas l'âge de Manon. Et Manon a le même avis que toi, donc on a quand même deux avis, voilà, un peu qui se rejoignent. Donc voilà, j'ai pas encore eu le temps de regarder parce qu'il y en a qui travaillent. Il y a sûrement un public. Mais donc voilà. Après, moi j'aime bien l'esprit Glee. J'ai adoré Glee. Aussi, j'ai bien aimé Glee. Oui. Glee, c'était vraiment un peu novateur. Parfait, m'a fait mais fini depuis des années. Donc Glee était bien pour ça. Oui. Voilà, c'est ça. Donc retourner un peu dans l'ambiance. Et comme on disait à l'époque, Glee, ça glisse. Ouais, bien. Alors, chers auditeurs, vous avez entendu le générique, enfin le pré-générique, il faisait 18 degrés la semaine dernière. Aujourd'hui, il fait 37 dehors. Je ne sais pas comment on va finir l'émission. Laurent est déjà sous oxygène. Et pour bien commencer cette émission, donc, oui. Voici Tout pour la lumière. Tout pour la lumière, le générique du feuilleton où certains acteurs jouent comme des quiches. Mais il ne faut pas que ça vous rebute. Voilà, vous pouvez regarder. On ne vend pas du rêve, en tout cas, ce soir. Par contre, moi, le générique et la chanson, moi, j'achète. Voilà. Là, franchement, elle est faite pour attirer. Pour attirer, il n'y a pas de souci. Alors, de là à dire que Jean-Luc Reichmann arrive prochainement du côté de Demain nous appartient pour essayer d'équilibrer les feuilletons. Après, ça va être un vrai test pour Jean-Luc Reichmann. Ah oui. Parce que pour l'instant, on ne l'a vu que dans sa série. J'ai pas souvenir de l'avoir vu dans un téléfilm ou autre. Ah, il est peut-être passé au camping. Ou peut-être. Chez Belfond, peut-être, avec Stéphane Bern. Ou avec Stéphane Bern, peut-être. Ah, j'ai essayé de regarder aussi, c'était dur. Hein. Oui, ah oui, moi aussi. Ça aussi, Belfond, c'était très dur. Belfond, ça cartonne. Bah oui, ça cartonne. Mais je sais pas le public, mais moi, j'ai souffert. Oui, c'est ça, c'est. Voilà, on n'est pas trop. Voilà, après, c'est. Alors, c'est... dans les coulisses, il y a quand même une grande question qui se pose du côté de Demain nous appartient. Est-ce que Jean-Luc Reichmann va être le premier à être bouffé par le requin qui rôde dans les parages? Eh oui, parce qu'il va venir dans l'intrigue estivale. Oui. Donc, ne nous égarons pas, Laurent. Si ça se trouve, c'est lui qui va devenir le pêcheur du requin. Ou alors c'est lui qui l'a amené peut-être. Non, il va être peut-être un océanographe pour être, c'est un expert peut-être en requin. Voilà. C'est peut-être un expert en dents longues. Et là, exactement. Je tiens à vous dire que ça y est, mon alerte est tombée. Ah. L'alerte Benjamin est arrivée. Ah. Mais avant de, voilà, oui. d'ouvrir le message, nous allons apprécier, là, depuis le temps qu'on en parle. Voici donc, en intégralité, en version extended, le générique du nouveau feuilleton de TF1, Tout pour la lumière. La version extended, c'est 2 minutes 59. Donc, oui, voilà. Et apprécier. Encore, à côté de Nouveau Jour, c'est long. Je veux pas d'une vie rangée, vivre chaque moment comme le dernier. Sur moi tous les fils braqués. Mes failles envahir tout mon corps. Je ne laisserai pas mon tour, je ne laisserai pas ma chance. Question de vie ou de mort. Mais tout pour la lumière. Je veux pas vivre ma vie dans l'ombre. Mais tout pour la lumière. Je veux laisser une trace dans ce monde. Recommencer à faire pour ne plus toucher terre. Chanter. En tout cas, le générique, il est top. Oui, ah. C'est bien produit, j'avoue. Ouais. C'est franchement, ça donne envie. Oui. Après, dans les années 90, on avait des génériques qui étaient top. On regardait le générique et après, on changeait de chaîne. Hein. Moi, je me souviens de Alerte à Malibu. Je regardais le générique et après, l'essentiel était passé. Et à chaque fois, je vénérais le mec qui avait eu l'idée, la fameuse idée du ralenti. C'est bien des années après que j'ai appris que c'était une question de budget. Hein. C'était pour que les épisodes durent 45-50 minutes. C'était pour réduire les séquences et que ça coûte moins cher. Donc, on rallongeait le générique. Mais voilà, c'était quand même des moments occultes. Là, j'ai pas vu encore le générique de Tout pour la lumière, mais on verra bien ce que ça donne en image aussi. Alors par contre, on a notre envoyé spécial du côté des commentaires, Benoît, qui a des choses croustillantes à nous mettre sous la dent. Oui, alors on a un peu les deux avis. Hein. Alors on a la plupart des magazines et des journaux comme Ouest France ou Le Parisien qui ont vraiment plutôt apprécié la chanson en fredonnant au bout de 2 secondes d'image. On fredonne Superstar, l'énorme tube de Jamelia qui était sorti en 2003 et qu'on avait presque oublié, ou les titres comme J'irai où tu iras de Jean-Jacques Goldman, car cette bande de jeunes s'entraîne sur des titres pop et entraînant. Par contre, ce que je relève, c'est qu'effectivement, côté casting, très peu de fausses notes, je peux lire. Aux côtés de comédiens confirmés, dont le génial Gilles Cohen, la jeune génération a de l'énergie à revendre. Mention spéciale à Marie Fèvre Scheuermann, déjà vue dans Un si grand soleil qui crève l'écran et qu'on adore déjà détester. Donc voilà, du côté des journaux, des magazines. Alors, du côté de Télérama, c'est un peu moins enthousiaste. On s'imagine bien que c'est pas trop le public, c'est pas trop les journalistes de Télérama doivent pas trop aimer ce type du genre. Lancé sur Netflix, ce soap musical assaisonne les codes du genre à la sauce Star Academy, une version rajeunie de la quotidienne qui ne réinvente pas le genre. Les moyens sont là. À voir si ça va durer sur la durée, le tout dans un univers de semi-carton-pâte, mise en scène sans aspérité, avec un jeu d'acteurs très moyen. Voilà, donc là on est plutôt du côté de Télérama. Et voilà, donc. Bon, Télérama, voilà. Ils ont souvent la dent dure. Voilà, hein. Télérama, c'est pas non plus. On s'imaginait bien que Télérama n'allait pas dire waouh, la série de l'été. En tout cas. On a partagé ces avis-là. Vous avez eu l'avis de de Sylvain et Benoît aussi fait des bruitages comme sa fille. Non mais oui, bah, j'ai pas arrêté mon portable, c'est pas bien. J'aurais dû fermer mon portable. Et donc voilà, vous avez l'avis de Manon également. Donc vous de faire le vôtre. Je réviserai ma copie quand même pour la semaine prochaine. Parce que 2 minutes, non, c'est pas assez quand même pour. J'avoue. Mais c'est embêtant. 2 minutes, ça devrait faire envie. Oui, 2 minutes, t'as juste écouté le générique. Non, j'étais dans le plus loin déjà. D'accord. Ah, ou alors il s'est endormi. Non. Il a piqué une petite ronflette. Tout de suite, dans Destination Série, on se réveille et on se dirige vers le... Murday. Le... Cette actu, pardon. Il me manque tellement. Cette actu avec Laurent et Benoît. Et là, on a du lourd hein, cette semaine, comme les autres semaines. Alors, et on commence. Alors là, par contre, c'est pas nous qui allons parler. Nous allons laisser. Enfin, tu vas faire l'intro et après, on va laisser. Ça tombe bien parce que le spécialiste. Le message ne s'ouvre pas. Hein. Ah, le message ne s'ouvre pas. Donc ça tombe plutôt bien parce que c'est sûr, il y a pas énormément de messages sur le site aujourd'hui et celui-là ne s'ouvre pas. Je sais pas si de ton côté ça s'ouvre, mais moi j'ai recommencé 3 fois. Pas, ouais. Ça s'ouvre pas. Donc ouais, je me suis dit, nous a fait une blague. Voilà, pour savoir. Il y a une perle. Il y a une perle. En tout cas, c'est un. C'est bizarre cette histoire. C'est un le site internet. Marche sur 3 pattes en ce moment. Hein. Donc, ouais, c'est un réalisateur que j'adore. J'ai adoré toutes les séries qu'il a élaborées, et notamment Ma jeunesse et à moi était bercée par Twin Peaks, notamment. Alors moi, je n'ai jamais aimé, je l'avoue, hein, j'ai jamais été client de ce qu'il a fait. Par contre, j'ai appris une chose par Sylvain, c'est que en Europe, c'est un carton. Aux États-Unis, le succès n'était pas si... Exact. C'est plus moyen, oui. Il n'était pas fan, il n'était pas vraiment adulé. Aux États-Unis, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que ça avait plutôt... Ça avait les codes pour plaire aux Américains également. Hein. Cette ambiance un petit peu mystérieuse, ses recherches... Enfin, surtout la première saison de Twin Peaks était vraiment... voilà, qui a tué Laura Palmer. Ça a bercé toute ma jeunesse. Donc c'est bien sûr de David Lynch, on n'a pas prononcé oui, son nom. Parce que il s'agit bien là, de David Lynch, des détails sur son dernier projet ont fait surface. Et je laisse notre ami Sylvain s'occuper de ce sujet. Moi, la chose que voilà, je ne connaissais pas, mais c'est que... T'as quand même envie d'en parler, je vois bien. Ouais. Non, mais là, on nous parle de son dernier projet qui ne verra jamais le jour. Mmh. Mais il y a d'autres projets qu'il avait mis en chantier. Donc, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Bah, celui-là sera le dernier, évidemment, mais c'est le projet qui s'appelait Wisteria, qui en fait, si on... c'est un reflet de mystère. Quand on le met près d'une vitre, ça fait mystère. Wisteria, ça fait un effet miroir. C'est comme ça qu'il avait trouvé le titre. Enfin, c'était un des titres provisoires avec Unrecorded Night. Mais c'était un projet pour Netflix à l'origine. Il y avait un gros budget, 85 millions de dollars. C'était réalisé par Lynch, enfin, il y avait vraiment de quoi faire. Alors ça avait été reporté une première fois à cause du Covid et ça avait effectivement freiné la pré-production. Et ensuite, malheureusement, c'est la santé de Lynch qui n'était pas au rendez-vous. Et il souffrait d'un emphysème, il fumait beaucoup et malheureusement, c'est ça qui l'a emmené au début de cette année 2025. Alors, le projet existe, il y a un script qui existe. Personne ne veut en parler du contenu, c'est pas... forcément grave, parce que je dirais qu'un projet Lynch sans Lynch, vaut mieux pas le faire. Vaut mieux que ça reste... Même si on a un réalisateur ami ou des connaissances qui pourraient rester fidèles à ce qu'il voulait. Donne-moi un équivalent de David Lynch en réalisateur. Moi, j'en vois pas. Alors écoute, moi qui n'ai jamais l'audace, été client... Non, il n'y en a pas de son audace. Hein, à mon avis. L'audace et l'univers aussi. Mais, il avait quand même un univers particulier. Oui, mais il avait quand même des collaborateurs. Ce mec ne travaillait pas bien tout sûr. Seul. Oui. Bah, il y avait des fidèles autour de lui. Mais ce qu'il faut voir à travers David Lynch, c'était un artiste, c'était un sculpteur, c'était un musicien, c'était un peintre, c'était un réalisateur, un acteur aussi. Il touchait à tous les domaines artistiques. En fait... il était dans une vision personnelle. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'il n'a jamais expliquées, qui fait qu'il y a des mystères qui sont restés au même titre qu'un tableau, on ne l'explique pas. Il n'y a pas besoin de tout expliquer. Même Twin Peaks, tout le monde a sa version du monde noir avec voilà, le fameux Bob qui est, oui. qui est célèbre dans la série. Bon, tout ça fait que, je dirais, un projet Lynch sans Lynch, ce sera... Je n'ai pas envie de le voir, bizarrement, non. Ce qui me plaisait, c'était la vision de Lynch, parce qu'il était barré, parce qu'il mettait toujours un cow-boy, des flammes, un drapeau rouge, enfin, des rideaux rouges. Et ça, c'était bien. On savait qu'on était chez lui. Mais non, je pense que ce serait une mauvaise idée. Ce serait pour l'argent, et ce ne sera jamais aussi bien qu'il aurait fait. De toute façon, en général, les Lynch sont irremplaçables, puisque oui. dans l'agence touriste, voilà, le colonel Lynch... voilà, je me demandais à quel moment il y avait une ref. Il est irremplaçable, Colin Lynch, dans l'agence touriste. Hein, et même du côté du film, on se rend compte qu'il y a plusieurs Lynch. En fait, c'est une appellation. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où tu t'appelles Lynch, tu es irremplaçable. C'est possible. Je vais peut-être changer de nom, d'ailleurs. Je n'ai pas pensé à ça. Oui, Sylvain Lynch. Oui, il y avait, oui. Vu que je suis dans des projets artistiques, oui, j'aurais dû réfléchir à ça avant. Effectivement. La deuxième info de cette semaine, attention mesdames, messieurs, la question est posée à Benoît. Benoît, je veux une réponse. Quand sera diffusée la deuxième partie de l'ultime saison de HPI ? C'est une escroquerie. C'est une escroquerie, en plus, parce qu'on ne nous l'avait pas vendu comme ça. Ah ça, c'était affreux. Hier soir, je suis tombé de ma chaise. De mon hier soir, j'ai... Voilà, j'ai dit, mais c'est quoi de cette daube ? Oh là là là là. On l'a appris hier soir. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais ils l'ont annoncé dès le début que ça sera en deux parties. Ah non. Ah bah, non. Pas. Non, non. C'était au départ, c'était 2-2, et après, ils étaient revenus pour finir en une seule traite. Ah si, ils sont revenus sur leur... ah, je suis persuadé de cela. Effectivement, t'as raison. Tu compares à cause de la saison 4 qui s'est passée comme ça. Non, effectivement, ils avaient annoncé ça, ouais. et ils ont dit après qu'ils le feraient en une traite. Ils sont revenus sur leur décision. Des menteurs. Ah oui, c'est des menteurs. Ah là, non, parce que... croyez-moi... Non, pas toi, mais non, parce que pour rien. Je suis comme toi, j'ai regardé la fin du dernier épisode. Mais c'est pas vrai. Ah, mais ça m'a tué, pareil, sur place. Tout de suite, j'ai appelé mon agent spécial à Liège, qui n'était pas au courant non plus, parce qu'elle regarde les épisodes avec un peu d'avance, et les Belges aussi se sont arrêtés. Eh oui, parce que, en plus, les Belges ont un épisode d'avance sur les Français. Sauf que sur la plateforme, ils ne sont pas disponibles les suivants, donc c'était un peu prévisible, mais bon. Oui, mais on n'a pas, TF1 Plus. Comment voulez-vous critiquer TF1 ? Netflix fait pareil. Mais là, 4 épisodes, non, mais quand sérieux, on, quoi. Ben, quand on arrivera au rétroviseur, quand vous voyez cette série en 5e saison, l'audience qu'elle fait, je suis désolé, mais c'est compréhensible du côté de TF1 d'essayer de garder ça pour la rentrée, comme l'année précédente, pour avoir des audiences confortables. Alors, pour la rentrée. Moi, j'ai une autre version du sujet. C'est un peu comme Netflix qui veut mutualiser ses abonnés sur plusieurs mois. Et ce qui fait que TF1 Plus... bah, ils font une hype sur les abonnements TF1 Plus pour septembre. C'est exactement la même chose. Ils auront 2 mois au lieu d'un de TF1 Plus. Moi, je vois que c'est plus comme ça. Netflix le fait pour des raisons uniquement budgétaires. On va pas se cacher quand même. Mais TF1 aussi. Notre petit doigt. TF1 aussi. Oui. Mais là, c'est flagrant pour le coup. Mais oui, mais de toute façon, maintenant, tout le monde est sur ce terrain-là. Non, mais moi, ça m'énerve. Moi, Ils ont créé TF1 Plus. Pourquoi faire? C'est pas pour planter des fraises. M6 a créé M6 Plus. Pourquoi? Oui, oui. Ils ont retiré. Oui, oui, non, c'est Laurent. Si. Ils ont retiré C8. Ils ont retiré C8. Là, il y a une deuxième salve de un compte-rendu qui est arrivé. Les gens qui étaient sur C8 ne sont pas restés sur la TNT. Ils sont partis. Bah oui. Ils sont partis où? Sur TF1+, M6+, sur les plateformes. Donc voilà, il y a un terrain où s'installer et TF1 joue aussi sur ce chemin-là. C'est normal. Mmh. Enfin, ils vont pas faire ça avec Léo Mattei. Eh ben, ils devraient. Ah, ils devraient. Oui, comme ça. Ouais, ça mais passerait. Sur 5 ans, en fait. Pas sur 2 mois, mais sur 5 ans. Un épisode par an. Voilà. Un épisode par an. Ça ferait des téléfilms. C'est bien. Voilà. Alors, voilà. On va se mettre à dos les 4 millions ou les 3 millions qui regardent Léo Mattei quand même. Hein. Avant de. Donc, de toute façon, on n'a pas la date. Ils nous ont pas donné la date. Ils ont dit septembre. Ouais, mais il y a des spéculations en fait par rapport à la saison de l'année dernière où ça tomberait aux alentours du 11 septembre. Du 11 septembre. Sacrée date. Hein. Cette date, je pense que vous la retenez. Sacrée date, hein, punaise. 11 septembre. Ouais. Ouais, 11 septembre. Alors, ouais, avant d'arriver à la dernière info du Cet Actu, comme on a quand même un extrait sonore à proposer, donc on va parler tout de suite de l'alerte Benjamin. Donc, en étant très clair, on a déjà parlé que Netflix allait lancer un reboot de cette mythique série. Mais là, grâce à l'alerte Benjamin, on peut vous l'annoncer. Netflix a lancé la production de la nouvelle version de La Petite Maison dans la Prairie. C'est en tournage. La famille Ingalls va donc revenir sur le petit écran plus de 40 ans après l'arrêt de la série originale, portée par l'inoubliable Michael Landon. Hein ? On l'avait déjà dit. J'ai vu des images. On a dit les noms des acteurs. On avait annoncé le casting, oui, mais oui. Pas que le lancement, le tournage a été lancé cette D'accord. semaine. Ok, ça marche. Voilà. Je veux pas détruire l'alerte Benjamin. Non, elle reste bonne. Elle reste bonne. C'est de l'actu de la semaine, effectivement. C'est l'actu de la semaine. C'est que là, le tournage, après avoir annoncé que voilà, Lorraine Gall allait être jouée par un tel et ainsi de suite, là, l'info, c'est que le tournage a été lancé. Et là, pareil, la date de sortie n'a pas encore été dévoilée. Nous savons tout de même que Netflix a commandé. C'est pour l'année prochaine, c'est un peu avant. Hein. Une première. Ouais, parce que vu les trucages qu'il faut faire. Hein. Et puis, est-ce qu'il y aura encore le roulé-boulé de Carrie? Ah, très bonne question. Oui, mais là, s'ils font un plagiat, c'est foutu. Hein. Est-ce que vous savez le nombre d'épisodes? Non. Avec la musique? Ils vont reprendre la musique, j'espère. Oh, bah alors là. S'ils ne reprennent pas la musique. Je ne sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire que la première saison, elle comportera combien d'épisodes? La première saison, elle comportera. L'original, tu veux dire? Ou la nouvelle? Ah, la nouvelle saison. 10. 8 épisodes. On aura à peine le temps de. Ils ne prennent pas beaucoup de risques. Pas beaucoup de risques. 8 épisodes. Bah, c'est quand même risqué, hein. C'est une sacrée marque. Hein. Donc, il termine son alerte en me disant « Les bretelles, les haches et les poils en acier, très important les poils en acier, vont faire leur grand retour à la télévision. » Alors, vous savez comment on utilise pour la première fois une poêle en acier? Est-ce que vous savez? On est prêt. On est alors, je lance l'invitation. Il faut absolument que Benjamin vienne dans Destination Série pour nous expliquer comment on utilise pour la première fois une poêle en acier comme les Ingalls, parce que ça se fait pas n'importe comment, les gars. Donc on aura donc pas la semaine prochaine parce que tu es de nouveau barré. Bah tu nous dis la réponse, parce que là tu vas pas nous tenir en haleine comme ça pendant 15 jours. Quelle réponse? Bah, comment on utilise une poêle en acier? Mais je suis en train de vous expliquer que le mieux c'est que Benjamin vienne dans 15 jours et va nous expliquer en direct comment on utilise des poêles en acier comme à l'époque des Ingalls. Je vais pas vous raconter n'importe quoi, il m'a expliqué ce matin, mais j'ai peur de mettre quelques détails. C'est très technique. Donc Benjamin sera là dans 15 jours pour reparler. Mais on aura le droit de critiquer La Petite Maison dans la Prairie quand il sera là ou c'est... Bah, il s'en fout, lui, La Petite Maison dans la Prairie. Culottage. Ça s'appelle le culottage. Il faut faire un culottage avant d'utiliser, faire une cuisson dans la poêle en acier comme les Ingalls. Un culottage. On termine le cette actu rapidement avec. Bang. Avec. C'est ça. Hein, faut taper le. C'est ça. Ah non, faut pas taper. Hein. Il y a une technique de chauffe pour faire un culottage. C'est tout, c'est vrai. C'est une vraie technique en plus. C'est vrai, c'est même pas une blague. Mais c'est pas une vanne. Je pensais que c'était une J'ai vanne. J'ai pas envie de raconter n'importe quoi à l'antenne. C'est pour ça que dans 15 jours, il sera là pour expliquer comment les Eagles faisaient déjà à l'époque. On fera un spécial cuisine. Donc là, on termine le cette actu avec. Je vais réviser si je tape Google, mon ami. Je vais regarder Top Chef, je vais regarder plein de trucs. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, aujourd'hui vous êtes dissipé. D'une poêle. Est-ce qu'il faudrait que je regarde Top Chef? Ah oui, le culottage mission de poêle et casserole, exactement. Oui, parce que si c'est important pour Benjamin, oui. Versez une légère quantité d'huile sur votre ustensile de cuisson à l'aide d'un étui-tout. Étaler l'huile, voilà ce qu'on appelle le culottage d'une poêle. T'as vraiment pas envie que Benjamin y vienne? J'avais trouvé une piste pour le faire venir. Et là, attends, tu me la torpilles. Bah, bravo. Non, mais attends, bravo, les gens chez eux, ils ont envie de savoir. Moi, j'avais envie de savoir. Je pouvais pas rester 15 jours sans savoir ce que t'es que le culottage d'une poêle. Je suis rentré à la maison, des courses, chérie, culottons le poêle. Alors, pendant 15 jours, j'ai une mission pour toi. Pendant 15 jours, tu me trouves une solution pour faire venir Benjamin en direct dans l'émission. Bah, il vient. C'est ta mission, hein? Bah, il est invité. Non, mais là, il fallait une raison. Là, j'avais une raison en or. Il fera ça. Non, mais bravo. Je vous félicite pas, monsieur. Il nous trouve. Allez, partez en vacances tout de suite. Il nous trouve une alerte Benjamin en direct. Et puis, c'est tout, voilà. Ouais, mais l'alerte Benjamin, c'est pas compliqué pour lui. Donc là, est-ce qu'on peut parler de nouveaux jours? Parce qu'on a le générique. Eh oui, grâce à qui? Hein? Grâce à Kiki. Voilà, Bibi plutôt. Ah bon? J'étais pas loin. Bref, je veux pas m'envoyer des fleurs, mais qu'est-ce qu'il vous a dit lors de diffusion de Nouveaux Jours de la semaine dernière, hein? Oui. Ouais. Et c'est le bon horaire, c'est ça? Eh ben oui. Ah oui? C'est 20h35. Et c'est 20h35. Oh, écoute, j'ai pas de fleurs à t'envoyer, est-ce que je peux t'envoyer un téléphone? Non, mais non, ça fera plus mal. Mais j'avais pas trop de mérite, hein, parce que franchement, c'était que. Dans la discussion, c'était sorti. Voilà, c'était que cet horaire-là qui pouvait, parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, il faut quand même un minimum de vision. Donc par contre, de plein fouet avec un si grand soleil. Là, ça peut faire mal à France Télévisions, parce que ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais. Hein, ça pourrait être un jeu de Manon. Combien maintenant de feuilletons hebdomadaires, enfin journaliers, quotidiens, pardon? Bah, ça va faire le pompon Benoît, c'est TF1. Oui, mais en tout, ça fait quand même 4 pour TF1. Tu rajoutes. Alors, tu mets Plus belle la vie. Tout pour la lumière. Ici tout commence. Demain nous appartient. Ça fait donc. Amour, gloire et beauté. Les feux de l'amour. Ah oui. Bon, tu comptes. Bon, en plus récent, ça fait 4. Oui, si tu rajoutes les deux là, ça fait 6. Si tu rajoutes celui de France Télévisions, ça fait 7. Et plus celui d'M6 qui s'appelle Nouveau Jour, ça fait 8. Le compte est bon. Est-ce qu'il y a matière à satisfaire tout le monde? C'est là la question. Qui va pâtir de cette énième série quotidienne? Nous le saurons très très vite, dès la mi-juillet, sans doute. Et là, on retrouve Oshi? Et oui, je vous l'avais dit, que c'était Oshi qui... on l'a appris comme ça la semaine dernière, hein, très rapidement, que Oshi signait la BO. Le générique, c'est un très joli générique. Là aussi, c'est un beau générique. C'est un beau générique. Alors, on peut avoir des acteurs qui jouent comme une cruelle, on a un beau générique. Ouais, et moi, je salue. Je salue l'initiative et de TF1 qui avait déjà commencé avec Gims et avec DNA aussi, avec Lou et Vianney à nous faire. Enfin, le dernier Demain nous appartient. Moi, je trouve que c'est pas très heureux. Hein. Bah, c'est Vianney, donc. Parce que t'aimes pas Vianney, mais il y en a qui aiment Vianney. Quand tu vois tout pour la lumière, ici tout commence, plus belle la vie, et puis que tu tombes sur Demain nous appartient. Ne sois pas méchant avec les fans de Vianney. Donc voici Oshi. Ah non, c'est mon avis, comme je dis à chaque fois. Ça n'engage que moi. Oshi fait du Oshi. Hein. Voilà. C'est vraiment Oshi qui a fait. C'est pas une commande. C'est une chanson d'Oshi. Ça s'appelle Nouveau Jour, comme la série. Et au moins, si c'est mauvais, on n'est pas loin. La pauvre. Elle a un succès phénoménal. Elle est excellente en plus. Elle est excellente. Et franchement, c'est une très très belle chanson. Vous ne l'avez pas entendue, elle est sortie ce matin. Je vous la fais découvrir. Il est temps de repartir à zéro, de ne faire qu'un avec soi, de ne plus vivre pour de faux. Si je me croisais, enfant ou ado, je me prendrais dans les bras, je dirais sois ton propre héros. Fais du bruit pour mieux entendre tes rêves. Les réponses que tu cherches se trouvent dans ton écho. Si tu tombes, sache que dès que tu te relèves, tes bleus traperont le ciel, alors regarde en haut. J'ai trompé le passé avec mon futur. J'ai pris un aller sans retour. J'ai brisé l'armure pour des promesses d'amour. J'ai changé la clé, cassé la serrure de mon cœur bien trop lourd. Je me jure transformé, les jamais en toujours dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour. J'étais bloqué dans un tunnel sans fin, mais c'est dans le noir complet que la lumière fait son chemin. J'ai coulé pour trouver le sable fin, les étoiles naissent en secret, le soleil revient chaque matin. Tu pars des mondes entiers sous tes paupières, mais tes yeux seront ta porte vers les lendemains. T'as touché le fond pour laver tes poussières, mais ce vide a fini par colorer ton destin. J'ai trompé le passé avec mon futur. J'ai pris un aller sans retour. J'ai brisé l'armure pour des promesses d'amour. J'ai changé la clé, cassé la serrure de mon cœur bien trop lourd. Je me jure transformé les jamais en toujours dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour. Voilà. Alors vous n'avez pas l'image, mais Benoît dansait et Laurent était impassible. Je ne sais pas lequel des deux elle puisse aimer. Bon après, moi j'ai déjà entendu, j'ai déjà écouté plusieurs fois, donc j'ai un peu la, j'avais la mélodie dans la tête. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais je trouve voilà, il y a une petite ritournelle, tout ça. Là, on voit bien la bande-annonce. J'ai eu peur au début, hein, parce que c'est très texte. Oui, mais c'est un très ça beau va. Texte. Non, mais ça va, ça c'est va. C'est un va. Très très beau texte. Oshi écrit. Sauf tout, oui. Ouais, le... C'est de la poésie, Sylvain. Oui, mais une chanson à texte pour un générique de série, bon, ouais, oui, c'est mais... risqué, mais ça marche. Ça marche, bon, c'est bien. J'adhère. C'est validé par Sylvain, alors ça a une chance. Alors par contre, au niveau... on laisse sa chance au produit, comme il a dit au tout niveau, à l'heure. Au niveau chant, ça doit pas être simple à chanter comme générique. Oui. Parce qu'il y a quand même des enchaînements de mots. Oui, là, il faut... Accroche-toi. Hein, il faut de la diction. C'est pas du Frédéric François ou ou du début de soirée. Hein. Non, c'est, non, voilà. Non. Donc là, vu l'heure, hein, on saute un mur d'hydre quand même. Puis on a eu une chanson, donc on va en profiter. On a eu deux génériques déjà. On a déjà eu deux génériques, mais on aura quand même un mur d'hydre hein, avant de clôturer ce nouvel épisode. Mais avant, là maintenant, dans cette seconde près, c'est l'heure de votre rendez-vous confidentiel, celui où les séries télé lâchent enfin le morceau. Aujourd'hui, dans Secrètement Vôtre, Sylvain vous dévoile les dessous, parfois très bien repassés, de trois fictions qui n'ont rien à voir entre elles, alors mais vraiment rien, hein, sauf peut-être leur goût pour les secrets bien gardés. Au programme, une histoire de regards fuyants sous climat océanique, des histoires de virées motorisées en short trop court, et un certain flegme britannique qui cache mal une furieuse envie de cocktail à 17h. Quelle idée! Bref, trois séries, trois époques, trois ambiances, et un seul point commun... Personne ne vous avait tout dit jusqu'à maintenant. Alors installez-vous confortablement, savourez un bon thé anglais et surtout, si vous voyez deux Doberman, commencez à courir. Ça, c'est une, c'est un bon renseignement, c'est une bonne chose à faire, hein, si, surtout si oui. Vous ne les connaissez pas. Alors là maintenant, savourez, dégustez ce nouveau Secrètement Vôtre. Une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô ? Oui, j'écoute. Que fait-on ? Il faut avoir l'air naturel. Chut ! Pas de bruit. T'es prêt ? Ah oui ? Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais ? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans Secrètement Vôtre. La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries, comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Thank you. Alors, la musique n'est pas celle du générique pour une bonne raison. C'est qu'on va parler de la série Querer, ça c'est la version espagnole, en français ça veut dire vouloir, qui est passée sur Arte. Alors pourquoi il n'y a pas de musique associée à cette série? C'est parce qu'il n'y en a pas. En fait, c'est une série où il n'y a jamais de musique. Et c'est un peu surprenant pour une série audacieuse, mais ça fonctionne. Alors, Querer, c'est quoi? C'est 4 épisodes, c'est en replay, ça a été diffusé jeudi 15 juin. Juste, vous me pardonnerez, je ne dirai pas tous les noms espagnols et je ne suis pas assez bilingue sur ce sujet. Donc, voilà, je ne vous parlerai pas des noms de famille et des noms des personnes. Alors, la réalisatrice a mené une enquête approfondie en collaborant avec des avocats, des psychologues et des femmes ayant vécu des situations similaires à celles de Myrène, l'héroïne de la série. Alors, la série parle de choses un peu particulières. C'est tout ce qui est violence conjugale et le fait de partir pour une femme quand elle est dans ce cas de figure. La série a été tournée à Bilbao, dans la province de Biscaye, notamment dans un village dont je ne prononcerai pas le nom. Ces décors naturels ont renforcé bien sûr l'authenticité et ça crée une atmosphère intime et réaliste. Alors comme je l'ai dit, il y a des choses surprenantes comme l'absence de musique. Il y a également 4 épisodes qui rappellent un peu la série Adolescence de Netflix, avec à chaque fois un thème. Chaque épisode, le premier s'appelle « Vouloir », le deuxième « Mentir », le troisième « Juger » et le quatrième « Perdre ». Mais ça n'annonce pas forcément le contenu de chaque épisode. J'avoue que j'ai regardé le premier par curiosité. Eh bien, je n'ai pas pu m'arrêter. Je suis allé jusqu'au quatrième dans la foulée parce que la série est juste exceptionnelle. Et elle donne envie de voir la suite. On rentre dans cet univers, on ne voit jamais les violences. C'est quelque chose de très bien fait, très bien réalisé. Et j'avoue que là, ça m'a complètement emmené. D'ailleurs, l'un des épisodes se concentre sur le procès de Myrène, donc l'héroïne. Il est présenté de manière réaliste, sans artifice. Et en fait, la réalisatrice a voulu immerger le spectateur dans la salle d'audience, le plaçant dans la position du juge, afin de susciter une réflexion sur la complexité justement des affaires de violence conjugale. Le déroulement du procès qui s'étale sur un épisode entier, donc le troisième, c'est un petit bijou de planification et de montage, et seules les paroles et les regards suffisent à tout bouleverser. Alors ce qui est quand même incroyable, et j'avoue que là c'est un exploit, dans cette série on ne voit pas les violences, on a même des fois des doutes sur qui dit la vérité, ce qui est quand même un paradoxe, parce que c'est quand même de là, on parle de violence et de quelqu'un qui fuit son domicile conjugal. Mais c'est tellement bien fait qu'on voit toute la difficulté de la justice en face de ces quatre figures et qui font que ben, c'est, rien n'est simple dans la vie et à juger encore moins. Donc je vous conseille vivement, si vous n'avez pas vu cette série, de faire un rattrapage parce qu'elle vaut le coup d'œil. Elle a d'ailleurs été saluée pour son traitement réaliste de la violence conjugale. Elle a remporté plusieurs prix, celui de la meilleure série de fiction et de la meilleure interprétation féminine et de la meilleure interprétation masculine pour les acteurs. Donc franchement, allez-y, y a tout à gagner. Ils ont eu de nombreuses récompenses au prix Forquet, qui est un prix espagnol. Et c'est la fin de... Oui, mais j'aurais une question. Oui, dis-moi. Est-ce que, parce que tu as parlé en détail de la série, mais est-ce qu'on pourrait avoir le nom du village où se déroule l'intrigue? Biscaye. Mais il y avait un nom là, que tu disais que je ne dirais pas. Non, il n'y avait pas un nom... Oui, je peux te le dire. Ça. C'est Aran Kudiaga. Et c'est quoi ça? Et c'est quoi? Bah, ça, c'est quoi le truc là, Aran Kudiaga là? Bah, c'est un village espagnol. Voilà. Non, parce que tu ne voulais pas le dire. D'accord. Oui. En fait, t'es un peu, tu me tortures, c'est bien. Ouais, c'est bien, je sais pas. Non, mais j'avais révisé, mais quand même. Voilà, j'ai pas tout de suite lancé le générique, je voulais la petite musique d'intro. Mais j'avais reconnu quand même. Ah, je me doute, pour les connaisseurs. Voilà, vous avez reconnu effectivement Magnum. Magnum, ça date de 1980, c'est 8 saisons, 162 épisodes. Et la chose qui est le plus connue de cette série, c'est que Tom Selleck, à l'origine, devait jouer Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Et il avait même tourné un screen test avec Harrison Ford à l'époque. Mais vous le savez, c'est pas lui qui a été retenu. Alors, concernant Magnum, là, il y a beaucoup de choses à dire et je vais essayer d'être exhaustif. Tom Selleck, dans la série, tenait à ce que Magnum reste un mec normal, pas un flic coincé. Et il voulait porter des chemises ouvertes, des shorts courts, jamais de chaussettes dans les mocassins. Bref, c'est devenu un look iconique, mais au départ, la chaîne était un peu frileuse, on le comprend, même à Hawaï. Magnum conduisait une sublime Ferrari 308 GTS rouge, symbole de luxe et de liberté. Le problème, c'est que Tom Selleck mesurait 1m93 et la voiture était beaucoup trop petite pour lui. Ça, on le sait aussi, la production a modifié le siège, a retiré le rembourrage pour qu'il puisse s'y installer sans se cogner la tête au plafond à chaque scène. Est-ce que tu sais qu'il y avait, c'était une autre voiture qui était prévue ? Alors, l'autre voiture, non, je ne sais pas. C'était une Porsche ? Oui, exact. Maintenant que tu me le dis, c'était une c'est Porsche. Vrai, je et m'en rappelle. Par contre, dans la Porsche, il rentrait pas. Ah bah oui, mais c'est un problème de taille, effectivement. Donc c'est là où ils sont partis. Quel véhicule luxueux pourrait permettre à Tom Selleck... Ils ont adapté la Ferrari quand même, donc ça rentrait pas non plus. Mais bon. Et ça a permis d'avoir une adaptation spéciale. Mais voilà, au départ, c'était pas la Ferrari qui était choisie. Merci. Mais non, mais c'est vrai, je ne peux pas tout dire, hein. Il y a tellement d'anecdotes autour de toutes ces séries. D'ailleurs, toutes les voitures qui ont participé au tournage, elles ont été vendues aux enchères, certaines à des particuliers, d'autres à des musées, il y en a eu plusieurs. L'une d'elles est d'ailleurs notamment visible au studio Universal, tandis qu'une autre fut achetée par Larry Manetti, qui est un des acteurs de la série et qui est l'interprète du personnage de Rick. Et d'ailleurs, chose amusante, Larry Manetti a repris son rôle, enfin, un rôle de patron de bar dans la nouvelle série Magnum de 2019. Oui. Je trouvais que c'était un clin d'œil. Moi, je sais que je l'ai appris en préparant cette chronique, mais je ne l'avais pas remarqué tellement il a changé aussi avec les années. Bah, moi, je l'ai vu arriver. Ah oui. Comme à un moment donné, Terry arriver dans la nouvelle version de Magnum. Mais il a beaucoup changé, donc forcément, si on ne le sait pas, c'est plus dur. Hein. Mais bravo, si tu l'as reconnu du premier coup, moi, je l'ai su qu'après. Bah, si tu veux, c'est une série moi qui a fait mes dimanches. Mais oui. C'était Dimanche mais Martin et chaque saison on attendait la nouvelle saison avec impatience. Et tout à l'heure dans le pré-générique, tu nous as fait penser, tu as fait un petit clin d'œil aux deux Doberman. Moi cette série, mais c'était Magnum et les Doberman. Les nombreuses scènes où tu vois Magnum qui court avec les deux chiens derrière lui, c'est mythique. Alors les Doberman, il y en avait plusieurs. Certains étaient dressés parce qu'ils restaient assis, d'autres parce qu'ils aboyaient sur commande et d'autres parce que voilà, ils pouvaient obéir à une commande de courir ou des choses comme ça. Ouais. Il y en avait plusieurs, hein, il faut le savoir. Voilà. Oui. Mais il y a quelque chose quand même que là j'ai appris en préparant encore une fois cette chronique, c'est que Magnum vivait dans une luxueuse propriété au bord de la mer d'Oahu, donc à Hawaï, surnommée Robin's Nest, donc le repère de Robin, on pourrait le traduire comme ça. Ce lieu existe, ou plutôt existait vraiment, parce que la maison a été rasée. Elle appartenait à une riche famille hawaïenne. Elle a été rasée en 2018. La maison qu'on voit dans la série n'existe plus. Elle n'existe plus. Elle a été rasée malgré les pétitions des fans pour la sauver. J'aurais bien aimé signer cette pétition, mais malheureusement, elle a été rasée en 2018. On ne peut plus la visiter. C'est quand même un drame. Scandale, ouais. Ah, mais je savais que j'allais quand même dire un truc que tu ne savais pas. Ouais. Bon, après, on pourrait parler aussi de Jonathan Higgins. John Innerman, exact. Sais-tu... qui n'était pas anglais, tu t'en doutes. Oui. Mais d'où venait-il ? Je ne sais plus. Je l'ai su. Mais il a un frère jumeau à un moment qui vient dans la série et qui est texan. Il était texan. Et en fait, c'est un vrai rôle de composition d'anglais, alors qu'il n'est absolument pas anglais, ni par le statut, ni par le phrasé. Et pourtant, il avait la classe. Et ça s'appelle un acteur, je crois. Ouais. Un grand acteur qui nous a quittés malheureusement. Aussi malheureusement. Et qu'on n'oublie pas. Et aussi Tissi qui nous a quittés il y a quelques années déjà dans un accident de voiture. Alors ça c'est bête aussi, mais bon. Voilà, donc Magnum. Il y a tellement de choses à dire. Par exemple aussi, on va terminer là-dessus. Le Magnum devait s'arrêter après la 7e saison. Oui. Mort. Oui. Ce qui est quand même un drame. Mais les fans ont tellement râlé que CBS a commandé une 8e saison avec un final digne de ce nom. Oui. Magnum reste en vie, il retrouve sa fille et il raccroche enfin les baskets. Émouvant. Ah mais c'est des choses qui restent en mémoire, ça, on ne peut pas l'oublier. Oui. Et ça c'est beau parce que les producteurs avaient une vue pour le final et Tom Selleck était d'accord avec ce final. Mais les fans se sont levés. Alors déjà, ça devait s'arrêter à la saison 6. Donc ça devait s'arrêter à la saison 7. Et voilà, il y a eu plusieurs tentatives d'arrêt. Ouais. Et à la fin, c'est les fans qui se sont levés, qui ont dit « Mais non, Magnum ne peut pas mourir. » Ouais, il y a des héros comme ça. Non, non, mais franchement, voilà, moi, c'est une série que je ne peux pas oublier. C'est bien plus qu'un short, une Ferrari, une moustache. C'est aussi une série humaine, drôle, profonde à la fois, portée par un acteur qui n'a jamais pris son personnage trop au sérieux. Et tout ça, bien sûr, lui donne une vraie âme. Et comment finir cette rubrique en beauté avec le générique de l'émission ? Et bien sûr, d'Amicalement Vôtre, que Laurent a beaucoup baissé, je trouve qu'on n'entend plus du tout. Merci. Alors, on va déjà rattraper un peu les choses. Roger Moore, malheureusement, nous a quittés en 2017, Tony Curtis en 2010. Alors, Amicalement Vôtre, c'est un duo culte, bien sûr, des années 70. Lord Brett Sinclair, ce British avec une Aston Martin DBS Sport de couleur jaune moutarde. Et Danny Wilde, le flambeur américain en Ferrari Dino 246 GT rouge. À l'écran, une complicité pétillante, mais en coulisses, c'était un peu plus compliqué. En effet, Tony Curtis débarquait souvent en retard, un joint au bord des lèvres et un whisky orange à la main, soi-disant son remède anti-jet lag. Roger Moore, qui est carré comme un costume sur mesure, d'ailleurs qu'il dessinait lui-même, ça, on ne le sait pas forcément, eh bien, lui aussi essayait de tenir la rampe, tenait bon face à un Tony Curtis un peu dissipé et pas très discipliné. La série a failli s'appeler The Friendly Enemies. Alors là, déjà qu'on a du mal avec The Persuaders, qu'on n'a jamais adopté en France, mais alors The Friendly Enemies, là... Non, là, les ennemis, non, les, oui, les amis ennemis, enfin, je ne sais pas comment on pourrait le traduire. Bref, cette série qui est pensée donc, pour être transatlantique, c'est-à-dire que la production se voulait à la fois pour conquérir les États-Unis et l'Europe, et ça a très bien marché en France, alors là, aucun problème, surtout grâce à un doublage culte qui a été réinventé par Michel Roux et Claude Bertrand, avec des vannes à gogo, des punchlines, enfin bref, c'est presque du Michel Audiard à ce niveau-là, tellement c'était... efficace et on adhérait tout de suite. Alors, il y a une anecdote qui est peu connue. Dans le générique, justement, de cette série, la photo d'enfance de Brett Sinclair au générique, c'est pas lui, c'est celui de son fils, parce qu'il n'a jamais trouvé de photo qui correspondait qui pouvait aller dans le générique. Et donc, il a mis une photo de son fils. C'est pas Roger Moore, enfant, c'est l'enfant de Roger Moore qu'on voit. Au départ, le rôle de Roger Moore, d'ailleurs, Brett Sinclair, a été pensé pour David Niven, mais il était trop vieux. Et pour jouer Danny, eh bien, étaient pressentis Rock Hudson, Glenn Ford et George Peppard. Ah ouais ? Ouais, il était aussi dans les starting blocks, mais effectivement, c'est Tony Curtis qui a retenu le rôle. Mais à condition, bien sûr, d'avoir le même cachet que Roger Moore et bien sûr, une belle suite d'hôtels. Alors, la série, elle a 24 épisodes, une saison est terminée. Mais ils sont tellement cultes que c'est resté dans la mémoire collective. Et c'est éternel, comme s'il y en avait des dizaines. Mais non, il n'y en a que 24. Le générique, d'ailleurs, est amusant parce qu'on les voit dans un jet, mais ce n'était pas eux ni la production. Ils l'ont fait en cachette. Ils ont vu un jet, ils ont tourné une scène et ils sont repartis. Il y a plein de choses comme ça. Ils ne savaient pas très bien conduire ni l'un ni l'autre. Il y a beaucoup de scènes qui sont tournées sur des remorques. Bah, il y a plein d'anecdotes comme ça dont on pourrait parler. On y reviendra. On fera une émission spéciale en été, oui, quand Benoît sera de nouveau barré. Ce serait une idée, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Le titre Amicalement Vôtre va peut-être terminer là-dessus. Ça ne veut rien dire, mais ça sonne chic. Et ils l'ont gardé, mais c'est vrai que ça ne veut rien dire. Enfin voilà, il y a tellement de choses. J'ai des kilomètres de choses sur les voitures, sur les acteurs. Voilà, c'est peut-être... pour ça que plus de 50 ans après, ben, on les garde encore en mémoire, nostalgique, mais amicalement dans nos mémoires, tout simplement. Tout simplement. Le rétroviseur 2.0. Alors aujourd'hui, hein, on y va rapidement. Hein. En premier, on a HPI, 5 223 000 téléspectateurs, près de 30% de part de marché. Hein ? Tout à l'heure, vous disiez que bah, c'est normal, 5 223. On va trouver du côté de TF1 une série qui fait autant. En deuxième, nous avons je regarde ma petite liste. Est-ce que j'arrive à trouver le deuxième ? J'arrive pas à trouver le... Ah si, c'est Bellefond. C'est pour ça que je n'arrivais pas à trouver. En deuxième position, c'est Belfond. 3 343 000. Bah dis donc, c'est des... C'est qu'il n'y avait rien d'autre alors. Rien d'autre. En troisième, on a Meurtre au Paradis. 3 129 000. Ah ouais. En quatrième, Le Remplaçant. 3 026 000. C'était une rediffusion. Et en cinquième, nous avons Meurtre à Guadeloupe. C'était pas une rediffusion. Ah non, c'était, c'était inédit. Le lancement de la troisième saison. Ouais. Et, ah bah, et Meurtre à Guadeloupe, Meurtre en Guadeloupe, 2 872 000. Voilà, le franchement, score. Un très bon remplaçant qu'on a retrouvé avec plaisir. J'ai adoré cet épisode lundi soir. Moi aussi. Qui changeait un petit peu. Non, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Là, tout de suite, voici le... Destination série, le Manon série quiz. Alors là, je suis impatient, je ne sais pas vous. Le mur des hits, on a eu beaucoup, là, ouais. c'est un spécial mur des hits. Mais excuse-moi, Benoît, il est 55, oui, non, mais et voilà, il faut se dépêcher. C'est une arnaque, cette émission. Ça devient une arnaque de semaine en semaine. Bah oui, mais on a pris du temps pour le 7 actu, là, on n'avait rien. Alors qu'il n'y avait pas d'info, une info masquée. Mais si tu veux, on peut utiliser le mur des hits pour ça ira mieux demain. Allez, là, vas-y. On va se marrer parce que je ne sais pas comment elle va traduire l'émission. Je pense qu'on va se marrer parce que oui, allons-y. Bonjour et bienvenue dans le 26e épisode de la deuxième saison du Manon Série Quiz. Et aujourd'hui, on a officiellement dépassé le nombre d'épisodes du Manon Série Quiz par rapport à la première saison. Nous nous sommes arrêtés au 25e épisode. On a dépassé, nous sommes au 26, donc bravo à nous. Voilà, voilà, on va commencer directement par un petit générique. Quelle est la série ? Quelle est la série ? Oh là là là là ! Le Remplaçant ! Aïe aïe aïe ! Ouille ! C'est ça, c'est Le Remplaçant. Alors, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je ne dis rien. Joker. Voici la réponse ! Un générique qui reste en tête, c'est un enfer. Je vais la chantonner toute la soirée. C'était la série Le Remplaçant qui a fait son grand retour cette semaine à la télé. Voilà, voilà. Par contre, derrière, c'est NCIS. La deuxième question, c'est trois mots pour trouver une série. Voilà, c'est parti. Le premier mot, c'est quotidien. Le deuxième, c'est secret. Et le troisième, qui va vous mettre la puce à l'oreille, tout pour c'est la lumière. Quelle est la série avec les mots quotidien, secret et canne-bière. Canne-bière. Secret et canne-bière. Bah, tout pour la lumière. Ça se passe à la canne-bière ? Bah, non, c'est pas Marseille. Non, ça se passe à la Ciotat. C'est un quartier de Marseille. C'est plus belle la vie. La Ciotat, c'est pas. Secret ? Moi, j'ai que Secret Story en tête, mais à part ça. Mais c'est pas. Je voterai rien d'autre. Bah. Plus belle la vie. Secret Story, ouais. Non, c'est pas... non, après. Non, tout pour la lumière. Il y a des chances, ouais. Voilà, et un nouveau jour, ça se passe où ? Ah. Ça serait peut-être un nouveau jour. Ouais, ou alors un nouveau jour, ouais, mais c'est pas à Marseille, un nouveau jour. C'est pas à Marseille ? Non, non, non. Bon, alors c'est Plus belle la vie. C'est ce que j'avais dit en premier. Alors tu dis Plus belle la vie ? Bah, bah moi, canne-bière. Oui, canne-bière. Oui, canne-bière, c'est Plus belle la vie. Oui, forcément. On y va ? Tant pis, moi j'ai dit, je reste surtout pour la lumière. Moi je dis rien. Quand on parle de canne-bière, ça nous fait penser à Marseille. Marseille qui nous fait penser au pastis, certes, mais ce n'est pas du tout à ça que je pensais. C'était plutôt à Plus belle la vie, bah la oui, vie encore plus bah belle. Oui, voilà, j'ai pas eu trop l'occasion d'en parler dans le Manon Série Quiz de cette série, donc c'était l'occasion aujourd'hui, surtout que le soleil revient, donc ça fait du bien. Voilà, voilà, voilà. NCIS. La troisième question, ça sera une espèce de citation slash critique. C'est une critique positive que j'ai sortie d'une série. Grâce à ça, vous devez trouver la série. Je commence. La citation. J'ai adoré la série JAG, J-A-G. La série était une extension au début. Il y a des personnages qui sont dans les NCIS en quête spéciale. C'est une extension comme Los Angeles, New Orleans et Hawaï. NCIS en quête spéciale, je le dis depuis le début. Il ne manque aucune nouvelle saison. Ouais, mais t'as pas dit à un moment où il fallait. J'arrête pas de le dire depuis le début. Oui, mais là, c'était pas la question. On l'a dit en même temps. Moi aussi, hein. Bah oui. Voilà la citation. C'était aussi. Quelle est la série ? Bah, une CIS enquête spéciale, je le dis depuis le début. Il y a la musique qui est en fond, là. On l'entend en fond, là. C'est impossible de passer à côté, là. C'est vrai. Franchement, j'aurais pas pu vous donner plus d'indices que ça. Oui, oui. Il y a tout qui est dit dans cette critique. C'était la série NCIS enquête spéciale. Voilà, voilà, voilà. Alors, il y a aussi un nouveau jeu dans le Manon Série Quiz, c'est trouver le générique qui est en fond de NCIS. La semaine passée. J'ai de la semaine passée. Je sais rien, la semaine passée. Je sais pas si vous l'avez trouvé ou pas. Mais non, mais là, cette semaine. Le générique d'Astrid et Raphaël qui était derrière moi la semaine dernière. Astrid et Raphaël, et pas non pas Rachid. Je vais trouver le générique. Et Michael. Je pourrais rajouter des points parce qu'on est sur la fin là, donc je me dis, ça peut aider des personnes. Donc si jamais, voilà, le jeu est en place, vous pouvez trouver. Je rappelle toujours que c'est en rapport avec ce que je parle pendant le Manon Série Quiz. NCIS. Voilà. Je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine la semaine prochaine. Et on s'y retrouve. Gros bisous. Il n'y aura pas Manon à la semaine prochaine. Gros bisous, Manon. On va jouer à deux, Laurent. Eh oui, à la semaine prochaine, on jouera à deux. Je vais remonter. Eh oui, voilà. Benoît ne sera pas là, donc je vais pouvoir le dépasser. Ah oui, là, c'est un peu... Ouais. Alors, je compte sur Sylvain. Mais moi, je joue pour moi. Hein, oui, mais... Elle était au courant. Je ne sais pas. Ça dépend si Laurent est sympa. Ouais. Non, mais je pense qu'elle n'était pas au courant que tu n'étais pas là. Non, mais si, elle fera un jeu. Elle fera un jeu, vous jouerez tous les deux. Elle est forte, celle-là. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté des infos séries TNT. Oui, c'est vrai. Et là, maintenant, nous allons passer. Ouais, mais on est même à l'heure aujourd'hui. Sans avoir. Mais nous n'avons pas eu de mur des hits. Est-ce qu'on peut déborder un peu avec un mur des hits? Oui, et quand même. Un minimum, un petit disque. Un petit mur des hits, quand même. Alors, La manivelle. Il faut faire tourner le bourrin. Hein. Mais le mur des hits. Alors, le jingle. Ça ira mieux demain, générique, jingle, ouais, bah, je vais le mettre à la place. Non, mais tu peux le mettre après le générique, si tu veux, c'est pas grave. On le mettra si après. C'est calé, oui. Ouverture de case. Voilà, pas de. Ouais, parce que c'est calé. Hein. Oui, comme ça, on commence et puis on fait le mur des hits. Voilà. Alors, par contre, si France est à l'écoute, faut vraiment pas quitter, quoi, parce que c'est. Ça arrive. Donc, là, voici maintenant le générique de Ça ira mieux demain. Voilà, croisons les doigts pour que ça arrive vraiment le mieux demain avec un peu plus de fraîcheur.